Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on plonge au cœur du XVIIIe siècle lillois, une époque fascinante où la musique, et plus particulièrement les chansons en patois, jouaient un rôle social et culturel majeur. Imaginez, pas de radio, pas de télévision, pas d'internet. Le divertissement se créait sur place, et les chansons populaires, composées et interprétées par les Lillois eux-mêmes, étaient au cœur de la vie quotidienne. C'est incroyable de penser à ça. On se représente difficilement une vie sans médias modernes. Ces chansons, donc, reflétaient la vie des gens, leurs joies, leurs peines, leurs préoccupations. Un véritable témoignage de l'époque, une mine d'informations précieuses sur la société lilloise du XVIIIe siècle. Exactement. Et on va explorer ça ensemble. Ces chansons abordaient des sujets très variés, le quotidien, avec les difficultés du logement, la vie des marchands, à courir tout ce qu'on est malin, elle timbrée. Pauvre et riche, grand, c'est petit. Mingez mes portières frites. La dette prolétaire, volant plus de misère. Bio, tout métier, je m'exerce. Comme d'un lait pantière, on fait mieux ce n'affaire. Je veux un ferme un commerce. N'éter tout bon train à courir tout ce qu'on est malin, elle timbrée. Pauvre riche, grand, c'est petit. Mingez mes portières frites. Jour que je viendrai, je vais faire afficher pour qu'on sache prix d'avance. Car en vérité, je suis décidé faire bonne concurrence. N'éter tout bon train à courir, tout ce qu'on est malin, elle timbrée. Pauvre riche, grand, c'est petit, mais j'ai mes pantières frites. Je ne fais point mes jacques comme il y a Graman chez Marchand et Douzaine. Pour la foire qui vient, je n'établis main d'un plein mi-temps de la plaine. N'éter tout bon train à courir, tout côté malin, elle timbrée. Pauvre riche, grand et petit, mais j'ai mes pantières frites. Tout lâcher mes jambes, bien comme des mains, je vais tâcher de faire un sort. Crains d'incombermain, je mettrai peut des liens de factionnaire à l'porte. N'éter tout bon train à courir, tout côté malin, elle timbrée. Pauvre riche, grand et petit, mais j'ai mes pantières frites. J'arrête des poissons pour tous les garçons, des pantières pour les filles. Pour qu'ils soient de bons, qu'ils ne s'aient pas le graillon, j'accuirai à une machine. Ta-da-da-da-da-da, n'éter tout bon train à courir. Tout ce qu'on est mal, elle timbrée. Pour les riches, grands et petits, mais je mets pantières frites. Point vous la quiche, fraîche et que je pourrais pour avoir des assiettes. Vous pourrez rentrer, tout sera prêté au premier scorsonnette. Ta-da-da-da-da-da, n'éter tout bon train à courir. Tout ce qu'on est mal, elle timbrée. Pour le riche, grand, c'est petit, mais je mets pantières frites. D'un établissement, malgré coin grand main, tout le monde y a la plage. N'est-y par dimanche, précéder les gens pour personne ne s'en passe. Ta-da-da-da-da-da, n'éter tout bon train à courir. Tout ce qu'on est mal, elle timbrée. Pour le riche, grand, c'est petit, mais je mets pantières frites. Si d'un kékiné, je suis un peu calé, ne croyez point que je serai fier. Je n'oublierai jamais que j'ai aux ouvriers avant de vendre des pantières. Ta-da-da-da-da-da, n'éter tout bon train à courir. Tout ce qu'on est mal, elle timbrée. Mais je mets pantières frites à courir. Tout ce qu'on est mal, elle timbrée. Pour riche, grand, c'est petit, au vrai riche, grand, petit. Mais je mets pantières frites. Les conflits entre voisins, mais aussi les avancées techniques de l'époque. Les gentils saints et l'ossipauge, qui va prendre un quand il s'y mêle. Fouille là-dessus, comme ici, y aille-je, surtout quand il a simple mais. Puis je prenons pour Don Quichotte, l'autre fois quand je l'ai vu passer. Il est lorgné par les cocottes, sur lui tous les yeux sont fixés. Oh, oh, oh, comme on est bio. Oh, montez suche va tout. Et en chalot, jour, je me propose d'essayer de monter sur ce que va. Il vous dirait que je n'ai point tout rose, surtout quand vous brûlez un bas. Comptez sur eux, je vais aussi pède, j'ai qu'une tiole en plein sur les grès. On m'a dit qu'il n'y a point de remède chez des agréments du progrès. Oh, oh, oh, comme on est mieux, monter jusque va tout nouveau. Ayant appris, je te mets d'un route, ce que va nouvelle invention, chez la courir au demi sans doute, Cicéron démolition. Tiens, joue silipane en faiblesse, je serai encore plus rigolo, que je me lirai dire maîtresse, à gauche que va sous main d'eau. On n'a point encore vu d'un lille, qui a retourné mon rodin. C'est un animal si docile, qui ne fait jamais aucun mouvement. Quand on ira voir une canette, te faudra point douer de faire attention à que ça ne te dit, oui, ne peut bien rentrer à venou. Oh, oh, oh, comme on est bio. Oh, mon déçuche que tout nous bio. Je parie qu'un jour on fera de course, monter sur eux, je peux t'y bider. Du premier prix chassera une bourse, comme on fait à qu'un pour s'abonder. La chasse à un fitness parade, quand tu les verras tous rouler, d'un bout à l'eau de tes spléflades, t'es déjà plus d'un qui vont bourler. Oh, oh, oh, oh, oh, et go, le beau péchus comme un tout libre. Ça ramène donc tes fesses, pour d'un mangeard et d'oncle. Libre mes lignes soient en espèce, on te m'en dit que là de mes mains. Je suis à vous, mes cardinales, vous dit-on à prendre fort la tienne. Non, ni mes membres, meurs, j'avale tes raisons, mes tadicieux. Oh, oh, oh, comme on est bio, montez jusque va tout nous bio. Jusque va de nous, quelle espèce nous donnera jamais grand tourment. À courir, il nous aura point de graisse, au point d'en nourrir que l'agrément. Et si un jour il vient malade, il faudra point de pharmacien, on lui dira main comme un rade, viens bien ito mécanicien. Oh, oh, oh, comme on est bio, montez jusque va tout nous bio. Les événements locaux, parfois même inédits, comme les inondations, les spectacles aériens avec des ballons, aujourd'hui pour certains, je vais vous dire mon idée. Dimanche au matin, mi, j'aime bien me promener. D'une minière ou d'une autre, je passe tout dit bien maintenant. Je m'en vais ouvrir sans faute, chaque j'ai vu un promenant. Aujourd'hui pour certains, je vais vous dire mon idée. Oh, dimanche au matin, mi, j'aime bien me promener. Un étang, un promenado marqué au pichon. Tout main, j'en décernage, vaut l'affiche d'un ballon. Qui aime tout vire, aussitôt je m'arrête à elle, puis que je mets à lire, puis un haut jusqu'un bas. Aujourd'hui pour certains, je vais vous lire mon idée. Oh, des manches au matin, puis j'aime bien me promener. Un annonce au-dessus l'affiche, un fameux train de plaisir, mis comme un vrai coliche, un volo s'est reparti. J'ai combiné une affaire, et j'ai dit d'un millet, je ne voyage point un air, j'ai trop peur de bouler. Encore une autre truc que je vais vous signaler. À vos un parachute qui est tôt pour monter. Un annonceau d'un tout le vide qui a rôdé chindu. À vos habitants de l'île, ni comme un autre je l'ai cru. Aujourd'hui pour certains, je vais vous dire mon idée. Oh, dimanche au matin, mais j'aime bien me promener. Il fixe au sein des phares pour un 28 du mois de juin. Crains d'arriver trop tard, j'ai été au matin. J'arrive sur la plaine et je roche ballon gonflé. Des soldats par douzaines de notre bulldozier. Aujourd'hui pour certains, je vais vous dire une idée. Oh, dimanche au matin, et j'aime bien me promener. Au soir sur les chinqueurs, que le ballon a parti. Un abo, un amateur pour former, je trinque plaisir. On a vu le parachute quand le ballon a monté, qui a fait la culbute d'un les marronniers. Aujourd'hui pour certains, je vais vous dire mon idée. intrépide, habile comme un lapin. Coupe le cordeau plus vite et compte cinq mains. D'une hauteur prodigieuse, on les a vus monter. Un des chats du halle, chaque au-dessus tourné. Aujourd'hui pour certains, j'vais vous dire une idée. Dimanche au matin, mais j'aime bien me promener. Cabaretier du bonnet, Yahoo, Cambas, Mazon. Elle est toute tapissée, chez comme un vrai salon. Comme chez les carnevals, Warren invite ses amis d'assister à Jdiobal qui donne à aujourd'hui. Aujourd'hui pour certains, j'vais vous dire mon idée. Dimanche au matin, puis j'aime bien de me promener. Dimanche au matin, vous dit d'emblée. Dimanche au matin, vous dit d'emblée. Dimanche au matin, vous dit d'emblée. Dimanche au matin, vous dit d'emblée. Les festivités du carnaval, ou encore les hivers rigoureux et le prix exorbitant du charbon. On parle de sujets intemporels aussi. Ben souvent d'un, les jours de fête, un cache à faire trop quoi de couplets. Mais pour moi main, je me gratte à me tête, je ne sais pas trouver un sujet. C'est pas des hanties, arrive ben de s'affaire, surtout devin que ma chemin liné. Et peu lit de changer un que je vais faire chez ce chien que me fille m'a donné. J'ai eu pour me lettrine un capé au fin du à qui une belle plume chez moi d'aujourd'hui. Premier faut que j'ai mis ce belle piche, j'ai tout fire comme un partiséen. Sans douche, pinceau, j'ai tout riche, aussi viache un diadème bétéan. Bétéan à trop quatre camarades, à une ducasse, si tout près. Les jeans courront un veau, ben ratif, créant via des insurgés. J'ai eu pour maîtrine un capé au fin du, avec un bel plime, chez Maud aujourd'hui. L'eau jour il s'envole, tu de me tête, miche-coeur de rire, mais via qu'un queue, qui pince que coran, liché un bête, un veillé en derche, seul bel jeu. Y'a qu'il y fou un paire de joutes, mijeur les tout, ma pauvre capéo, y'a beau pucchin trop, tout, tout, les tout, tout, par piché morceaux. J'ai eu pour me lettrine, un caté au fin du, avec une belle plime, chez Maud aujourd'hui. Mais y'a une partie qui se rief, il n'a parlé que tous les mieux. À long terre, tu se mets un greffe, parce qu'il arrache au tout le tcheu. Aussi une chose qu'il est certaine, je vous assure que je ne trarai un chat. Aussi l'homme un king à des glaines, seul bel moléa, il existera. J'ai eu pour mes trimes un capé ou pain du, avec une belle plume, chez mode d'aujourd'hui. Mais je n'ai pas des plimes qui nous manquent. Y'a tant de bêtes qui ont des cheux. Aussi une d'apon, une manque, qui n'ersonnera un fréant tireux. Un dit qui ken a l'air des implales. Même y je ne trouve un si beau que chat. Et vous verrez que poule cavalcate, homme et femme, tout l'inon t'importera. Fais vite, vous êtes une, à quoi t'y à que le prime chez Maud aujourd'hui. Bien sûr, le mariage, sous toutes ses coutures, le commerce. Buvez-vous café tranquille, brave femme capoule d'imonde des grues. Nous allons canter d'un lieu, j'pète frein à tour de bras. Les marchands de lait ont cœur tout le nez fait, car acheteurs ont fait guerre aux marchands de lait. Vous se rappelez femme de ménage, comment même boire vos berlioux. que de faux rousses, mais toi t'arraches de le blanchir avec Dio. Les marchands de lait ont tort tous les faits, car acheteurs ont fait guerre aux marchands de lait. Vous pouvez tardiner admettre, Sulfus enlever de les boulir, car il a repuyé une bonne journée sans s'enfuir. Les marchands de lait ont tort tous les faits, car acheteurs ont fait guerre aux marchands de lait. Petit marchand plein de courage, donne le baptême à Saint-Lé, sans s'inquiéter si je l'ouvrage, ça sienne à vos points déjà fait. Les marchands de lait ont tort tous les faits, car acheteurs ont fait guerre aux marchands de lait. Une si les chevrons peut-être plus printes, car acheteurs à moins d'un rien. On de l'œil chambonne à matre, vous apprend d'être aux chrétiens. Les marchands de lait. Les chiens qui ne les fait point rire, chez l'affiche sur le mason. Car alors chacun peut dire, v'là le demeure d'un vrai capon. Les marchands de lait ont tort tous les faits, car acheteurs ont fait guerre aux marchands de lait. Pas ces crèches plus dans le commerce, pour s'économiser de l'eau. Avec les conches tourpirières, firave mal à vol sans richaud. Les marchands de lait ont tort tous les faits, car acheteurs ont fait guerre aux marchands de lait. Chaque matin au port de ville, en espérant leur ration, vous veillez tous les quiens de l'île qui s'amusent à faire faction. Les marchands de lait ont tort tous les faits, car acheteurs ont fait guerre aux marchands de lait. Vois que la punition saute forte lorsqu'on buvera lait sans yo. Monde se retournera d'un telle sorte qu'un rat accouchera d'un vio. Les marchands de lait ont tort tous les faits, car acheteurs ont fait guerre aux marchands de lait. Les faits divers. Bref, une palette incroyable de thèmes qui nous permet de comprendre les préoccupations et les réalités de la vie au XVIIIe siècle à Lille. D'un pandémos soutinien fuyote, hein. Tout un monde inconnant au sujet. Vrai l'île au chemin, mais d'un tiède. Eux de vouloir en profiter, on parle autant. De j'Paris, chez Gramont, c'est quoi de curieux pour aller au ouais. 30 plaisir, il demande ma cousin un rase. Je me rappelle mes amis d'avoir été des chelfiettes. Je me rappelle mes amis d'avoir été à Paris. Me via d'un seul capital, fier comme un milord anglais. Je vais qu'elle l'emboule aller pour que mancher à manger. Même un cousin belge viande, indigent comme chassin, un vieux. Y'a vaut des piètes furtillantes pour contenter trop péqueux. Je me rappellerai mes amis d'avoir été virchol fiette. Je me rappellerai mes amis d'avoir été à Paris. Jette l'andoule sur le trottoir, car nous navîmes un dégoût. Nous s'en allons bien vite boire, chacun trop chope à dissous. Malgré en postulage du monde, pour tout vire, nous s'en allons. Tout juste au quart d'un des plantes, jusque je m'ai trouvé marron. Je me rappellerai mes amis d'avoir été virchol-fiette. Je me rappellerai mes amis d'avoir été à Paris. D'un je garde un tour rempli de guettes. Je veux passer une curiosité. Je fais comme tous les autres, je fais le t'es, je cache à passer un premier. Du sein, je mets compte un cache pour mieux vir faire ses cinglés. Flacute m'attrape, un visage qui me tient par mes favoris. Je m'en rappellerai, mes amis, d'avoir été vieux chez le fiet. Je m'en rappellerai, mes amis, d'avoir été à Paris. Je vous jure que je n'ai au point tard. Car je m'y revaux bien rasé, flaque main cousin, un gros tranard. Sans kiné, en plage de me débarrasser, les cris au vilaini, piète. Si t'as rendu compteur, no, pille, âme, hors manche, je n'ai trop point des manchettes pour te faire vire que je suis lino. D'avoir été virche fiette. Est-ce que moi rappellerai mes amis d'avoir été à Paris? Si tôt que j'étais dehors, où est mon vide conseiller? Qu'on rencontre un saut d'or, qui ouvrons à bon marché. Pour lui couper un reste de barbe, suis-je une famille, je suis loup. Je n'arrose bien bray à l'arme quand il m'a demandé qu'un sou. Je m'en rappellerai, mes amis, d'avoir été virche le fiette. Je m'en rappellerai, mes amis, d'avoir été à Paris. Je vous assure bien que dame colère, plus rien de ça vaut m'amuser. Je raccours bien vite au que main fière, personne n'en sera étonné. Je m'en rappellerai de ce voyage, même quand je serai teint en paradis. Car le pubio de ma visage est tôt resté à Paris. On a vraiment affaire à une mine d'or inexploitée. Ces chansons, qui dorment depuis près de deux siècles à la Bibliothèque nationale, attendant d'être dépoussiérées et redécouvertes. L'autre jour au coin de la rue des Pénitentes, j'ai entendu une femme de petit zizir. Parlant de ce nom, elle raconte aux complaintes qui m'a donné plus d'un faux l'invidrir. Être le Dijon à filette, vannes au poids si biette, si te fais comme mi, tâche d'un pain d'un pu dégourdi. Car pour mi, ma fille, l'homme que j'ai un mouc des l'huile à peu près. Je ne sais rien faire du tout d'un ma ménage, pourtant un homme château traiter la main. Apporter l'io à faire nettoyage, lit par malheur, il ne sait rien tenir d'un semain. Si je m'y donne des vieux chabots pour faire du petit beau, il est si adroit qu'il tape plus souvent sur ses dogs. Va pour mi, ma fille, c'est un peu mi, ma fille. Va pour mi, l'homme que j'ai, d'un lui, j'ai tout dans l'eau. Avec l'homme bête, si je dois être péménage, je lui dis l'autre jour, il faudra barbouiller. Pour effacer tous les lights de punage, je vois qu'il y a du blanc, il faut l'y démêler. Et je vaux qu'il mâche toute ravière, fais-je crie tout en colère. Tiens, lesquels en douille, et il a fallu que je barbouille. Va pour mi, ma fille, mi, ma sœur. Va pour mi, ma fille, l'homme que j'ai un moutin, il à peu près. Avec l'homme, il faut bien que je commande, je ne sais quoi faire pour les moustiller. Un faux, je lui dis, fira vendre des amendes, d'un bénéfice, chassera poutre habillé. Alors, plaque qui s'exerce, d'un petit commerce. Un bien main bastra, sans doute, et plus rien d'un sens, ça va pour mise. Et rapi, ma fille, va pour mi, ma fille, l'homme que j'ai pas tôt. Va pour mi, ma fille, j'ai ten mouk d'un l'huile à peu près. Sortir avec te pince bien, j'appréhende. Au cabaret, chacun rigole de lit. J'ai mis qui tape pour faire un péripin. J'ai mis qui veste et qui dispute pour l'humour. Dans un baptême, c'est encore tout de même. mais je cante un canchon. Un reste là comme un cornichon. Va pour me, ma fille. RTV, oui, tu du il en peut je. Oh, mardi gras, avec qui je me déguise. Et à l'quardon, on va partir danser. Chez Mickey, prends les cachets du jour Chris. Faites d'Avelie comme je m'ai amusé. Père de verre et de buvette, y a fait tourner siette. À 9h le jour, un domo derrière Beno. Va pour me, ma fille, l'homme que j'ai tenu pour elle à peu près. J'ai te mouk, n'est à peu près. Et c'est là qu'intervient la magie de la technologie moderne, n'est-ce pas? On peut aujourd'hui utiliser l'IA pour restaurer ses chansons, reconstituer la musique et les paroles, et ainsi donner une seconde vie à ce patrimoine culturel exceptionnel. Grâce à l'intelligence artificielle, on peut imaginer des chanteurs virtuels interpréter ses chansons en utilisant des techniques de synthèse vocale de pointe. Tiens, et à Philibert, que je suis content de vous voir. Dis-moi pourquoi ma compère qu'on vaut tant de conscrits partir. À chaque fois que je touche à veut dire, est-ce qu'on a déclaré la guerre? Vous savant comme un avocat, vous devez pouvoir m'expliquer, chat. Un tronc ici au grand flanqué, et vous me l'avez la vérité, suis temps de boire un demi-pot. Faut dire que l'empereur de Russie, il a vautu un lubie. Vouloir grandir ses états par un beau jour, il monte à Gva, un partout droit, une Turquie. Un saint va trouver le grand sultan, il cache un querelle d'allemand et il y donne un bâton. Ou chavolodir, main garchon, mais qui sera matelel d'un t'mazon. Quoi, je vais te coder, lui dit la Philibert, vous m'avez tout étoqué. Névétier, t'aime de colère, mince sans bout comme du café. Tellement que je me sens exaspéré, je m'en vais faire remplir mon petit verre. Rien que de penser à Nicolas, il vaudrait pouvoir me faire solder. Je ne suis qu'un femme, mais chez certains, si j'avoue chapon d'un nain, mes minces faux trous qui passent le goût du pain. Quoi, je te viens dire grand cosaque? Réponds sultan étonné. Prends tes clics et puis tes claques. Si t'as que chose à me raconter, j'irai dire chat à mes alliés et nous quierons sur un kazakh. Malgré ton prince, moi chigo fait tout tes généraux. Malgré Kronstadt et Odessa, Saint-Bastopol, etc. Terre, Tanza, Wapolke, Timatou. Vlac la France et l'Angleterre, Alain Hur qui donne la main. On embarque les troupes en mer pour toucher pays lointain. Et enfin on met tout en pour aller ressécher compère. Quand ils ont vu nous pavillons, hein. Et puis si pharon, ils nous veillant d'Aveillon. Un état plus si fanfaron, ils nous veillant dans la Baltique. Et trappé en bieltrique, ils ont rentré dans le boutique. Nicolas dit hop tout dit. Les Français chez des balous, d'osoir venir Ponteni, hein, on déjà oublié Moscou. Comme le grand-père, ils vont taire tout, lécher le posoche en Russie. Un avocat point fini parler, qu'un beau marçon est au pimpé. Malheureux, fort et les mains canons. On s'abat tout, les miens cheux. On s'a comme des mouchons. Un écrivain, un maître. Minxigo, fil à vaudit. Pour achetant l'affaire est faite, les alliés sont taire tous cuits. Avant trop sous quatre jours d'ich, ils iront tous coucher sans tiette, mais sans tarmeau. Et sur la main, lui a envoyé des rogins. Et quand un haut, il sentit le coup, il a pris ses gambas cinq coups. Allez, chant là, tous ses croustous. Avant peu on la grattera, et de ville en ville, mon pain pour mon rat, comme un biette féroce dans un cache. On va le virer à l'île chez certains dans un bain. Qu'à le foire prochain, quand je m'en vais bien l'herbétier. Si je n'arrive au point pour rentrer, je pense pour que Michel au monde qui était. On pourrait même reconstituer l'ambiance sonore de l'époque, ajouter des bruitages, créer une véritable expérience immersive pour le public. On pourrait alors se faire une idée précise des mélodies, du style musical, de l'accent. On pourrait même comparer ces chansons avec celles d'autres régions, voir les influences, les similitudes et les différences. C'est au Nicanchon. J'ai sur un qui méprise tout le monde, qui reste d'un nous canton. J'ai un qui fait des bonnes affaires depuis que l'on a abattu pour y percher chaleur. Du cocher sur le siège, il y en a Vautin qui bat l'auto et caisse. À tes cantes, à tout boulant, ta Roldion carrément liant. Libédon, libédon, Saint-Père joue du violon. Libédon, libédon, Esmer va du pichon. Tout le monde avait en chol caroche. Dijon, j'ai déjà du grand ton. J'ai des riches pour faire bamboche. Il y a Romy des vieux à Lyon. Mais Mickey, ça vaut bien le contraire. Il ça vaut, j'Robert Macaire. Mais j'aute tout chapeau. Gardez tailleur, j'ai le but râpé. Libédon, libédon, Saint-Père joue du violon. Libédon, libédon, et ce merdin du pigeon. J'étais un corps eu au demi-carême qui roule dans les cabarets. Il méprisait un corps tout de même sur tous les quarts de société. Il dit Jo, j'ai vu une bergère assis à côté d'un grand-père. Un paillasse tout près d'un seigneur, enfin chaque côté d'un grand-mère. Libédon. Viens tout roche le carnaval pour t'attraper cinq boutons pour avoir un doux ou un chaton. Libédon, libédon, Saint-Père joue du violon. Libédon, libédon, Esmer va du pichon. Une chatte qui vient de Mali, je sais que fait souvent remarquer. On veut s'en rapporter à Niche d'un corps vu l'iné passé. Il est au d'un rue des malades, près d'un péque mascarade. Soto après cinq boutons. Garçon. Libédon, libédon, Saint-Père rue du violon. Libédon, libédon, et ce merveilleux du pichon. Million d'ans qu'il a promis, un canton sur l'air. Libédon, courrier, maître, marchand comique. Tout le monde arrose Danchon. Avant qu'il pêche le bel ouvrage, nous n'avons honte pour partage. Ça fait qu'un l'un sera point jaloux. Également analyser le vocabulaire utilisé dans les paroles, l'évolution du patois lillois au cours du temps. Et puis il y a cette dimension humaine, essentielle, à prendre en compte. Ces chansons nous parlent de gens ordinaires, de leur vie, de leurs rêves, de leurs difficultés. Elles constituent un témoignage précieux sur l'identité culturelle lilloise qui a subi de profonds bouleversements au cours des siècles suivants avec l'arrivée du progrès et la perte progressive du patois au profit du français. C'est un véritable héritage culturel, une fenêtre ouverte sur le passé, qui mérite d'être explorée, préservée et partagée. Ce projet de restauration et de mise en valeur de ces chansons en patois lillois du XVIIIe siècle est un projet passionnant, qui allie la recherche historique, l'innovation technologique et la transmission du patrimoine culturel. Et il est important de souligner que ce n'est pas seulement un projet pour les historiens ou les musicologues. C'est un projet pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'île, à la culture populaire, à la musique, à la technologie. C'est une occasion unique de faire revivre une partie de notre histoire et de la rendre accessible à un public large grâce à la magie de l'IA. Alors, restez connectés, car on vous tiendra au courant de l'évolution de ce projet fascinant. On espère que cet épisode vous aura plu. À bientôt pour une nouvelle exploration musicale.